Plus près de Chambéry, j'eus un spectacle semblable en sens contraire. Le chemin passe au pied de la plus belle cascade que je vis de mes jours. La montagne est tellement escarpée que l'eau se détache net et tombe en arcade, assez loin pour qu'on puisse passer entre la cascade et la roche, quelquefois sans être mouillé. Mais, si l'on ne prend bien ses mesures, on y est aisément trempé, comme je le fus. Car, à cause de l'extrême hauteur, l'eau se divise et tombe en poussière, et lorsqu'on approche un peu trop de ce nuage, sans s'apercevoir d'abord qu'on se mouille, à l'instant, on est tout trempé. J'arrive enfin. Je la revois. Elle n'était pas seule. Monsieur l'intendant général était chez elle au moment que j'entrais. Sans me parler, elle me prend par la main et me présente à lui avec cette grâce qui lui ouvrait tous les cœurs. « Le voilà, monsieur, ce pauvre jeune homme. Daignez le protéger aussi longtemps qu'il le méritera. Je ne suis plus en peine de lui pour le reste de sa vie. » Puis, m'adressant la parole, « Mon enfant, me dit-elle, vous appartenez au roi. Remerciez monsieur l'intendant qui vous donne du pain. » J'ouvrais de grands yeux, sans rien dire, sans savoir trop qu'imaginer. Il s'en fallut peu que l'ambition naissante ne me tournât la tête et que je ne fisse déjà le petit intendant. Ma fortune se trouvant moins brillante que, sur ce début, je ne l'avais imaginée. Mais, quant à présent, c'était assez pour vivre, et pour moi, c'était beaucoup. Voici de quoi il s'agissait.